Leçon 7B. Une visite à l'hôpital. Pauvre François. Il est à l'hôpital avec une jambe dans le plâtre. Aujourd'hui, Yasmina, Nathalie, Luc et Ahmed prennent le bus. Ils rendent visite aux copains. À la réception, Yasmina demande le numéro de la chambre. C'est la chambre numéro C15. Et c'est où, madame? Attendez. D'abord, vous allez tout droit. Puis, à la terrasse, vous tournez à gauche. Vous traversez le jardin et vous arrivez au bâtiment C. Là, vous prenez l'ascenseur. C'est au premier étage, la deuxième chambre à droite. Les amis frappent à la porte et entrent. Salut les copains! Ça va mieux ta jambe? Tu n'es pas au lit? Regardez mes béquilles! Je fais déjà du slalom avec! Mais ce n'est pas drôle ici. Eh oui, ici tu n'as pas ton public. Tu aimes rigoler? Voilà une BD. Merci Ahmed. Et voilà 4 tablettes de chocolat. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait? Et le chocolat? Ah, je comprends. Allez, on attaque les tablettes. Et après, prenons les cartes? On fait une partie ensemble? François et ses copains jouent aux cartes, discutent et terminent le chocolat. À 5h, les copains rentrent. Et à 6h, l'infirmière arrive. Elle apporte le repas. Je n'ai pas faim. Ça ne va pas, François? Pas très bien, madame. Tu as mal à la jambe? Non, ce n'est pas ma jambe. C'est mon ventre.